L'actualité à Nancy et ailleurs. Lynne Parent-Balteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'AMEJ, Maison de l'engagement et de l'initiative des jeunes en territoire. L'AMEJ qui lance l'opération Fabrique Jobs à destination des jeunes de la Grande Région. Un mot peut-être avant de parler de cette opération sur l'AMEJ qu'on connaissait avant sous le nom de CRIJ Lorraine. Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui? La Maison de l'engagement et de l'initiative des jeunes en territoire a absorbé l'ex-centre régional d'infojeunesse de Lorraine, qui était situé à Nancy. Donc nous sommes dans les locaux. 20 quelque chose de Lorrain à Nancy, et notre mission vise l'engagement et le parcours citoyen des jeunes ou des accompagnateurs de jeunes. Donc on a plusieurs piliers au sein de cette association, un engagement à la fois par rapport à l'environnement, un engagement par rapport à l'insertion, un engagement par rapport à la mobilité européenne et citoyenneté européenne et par rapport au numérique. Mmh. Et dans le cadre du parcours d'insertion des jeunes, eh bien, nous avons lancé la fabrique de jobs en collectant des missions que les jeunes pourront occuper à partir du mois de juin, grosso modo, jusqu'à l'automne. Voilà, c'est près de 500 postes qui seront disponibles. Oui, on en a 800 là aujourd'hui. 800, oui. 800 propositions dans différents domaines, environnement, cueillette, également animation, service ou logistique, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tout ce qui est plutôt... vacances, ça va être un peu compliqué. En fait, tout le monde est un peu... c'est compliqué cette année pour tout le monde et tout le monde attend de voir un petit peu comment se prépare l'été. Au niveau de nos amis restaurateurs, tout ce qui était service toutes ces heures, pour l'instant, ils ne peuvent pas du tout se prononcer. Donc ils nous disent, écoutez, on attend de voir, mais si la saison commence, on aura besoin de gens, quoi. Ce sont essentiellement des jobs d'été qui seront disponibles? Oui, nous, on est sur les jobs, vraiment sur les jobs d'été. On pourra les consulter sur le site Fabrique de Jobs, parce que là, les nouvelles mesures qui sont mises en place, bah, je ne vous cacherai pas qu'on est encore en interrogation par rapport à nos trois nocturnes, puisque dans le cadre des nocturnes des 19, 20 et 21, on avait prévu de pouvoir tout de même en extérieur accueillir du public par petits groupes, sur rendez-vous. Après, les offres sont consultables à la fois sur le site et dans notre réseau de kiosques, l'initiative des jeunes. Il y en a une quinzaine en Grand Est. Les offres, elles devaient être aussi affichées au 20 quai Claude Le Lorrain. Tout à fait. Donc là, je ne vous cacherai pas qu'on attend vraiment les décisions des retours, parce qu'on n'a pas du tout envie de mettre en difficulté les jeunes. Je pense qu'ils y sont déjà assez comme ça. Et on ne va pas créer un cluster job, quoi. Donc... comme on a toujours beaucoup de monde dans le cadre de ces opérations. Voilà, normalement, on les accueille sur rendez-vous, mais il se peut, là encore, qu'on n'ait plus l'autorisation de le faire. Quoi. Donc le plus simple, c'est de vous suivre déjà sur les réseaux sociaux. Sur le site internet, de nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y aura de toute façon un Zoom et une visio avec des partenaires qui donneront des conseils aux jeunes via Zoom. Donc là, il ne faut pas hésiter quoi, à se connecter et puis à nous poser toutes les questions... que vous avez envie de poser par rapport au job. Merci beaucoup, Lynne Parent-Balteau. Je vous en prie. Notez bien l'adresse pour retrouver la fabrique de jobs sur internet www.fabriquedejobs.eu. Des coordonnées que vous retrouverez sur notre site www.fadjet.net. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.